nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Enter bezonnek. Kentel, Eri, Perran, Seite Katrugen. Perran, Seite Katrugen. 477. 477. Et on commence, alors, comme d'habitude, Henri, par Guerruavué. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'un mot qui n'est pas extrêmement fréquent, mais qu'on rencontre de temps en temps, c'est l'or. L'or, pas le lore, hein, mais l'or. Hein. Donc, L-O-R, c'est apostrophage. Donc, qu'on traduit en français souvent par orgueil, surtout depuis que Jacques Elias, Père Jacques Elias, donc, qui a publié il y a 40 ans Le Cheval d'Orgueil, hein, c'était en 1975, et donc la version en breton, c'est Marelor, et donc Le Cheval d'Orgueil. Alors moi, je traduirai pas par orgueil, hein, je traduirai plutôt par la fierté. C'est parce que t'es pas loin de Rostronin, c'est pour ça. Non, mais parce que c'est pas tout à fait la même chose, quoi. La fierté, c'est, en tout cas chez les Bretons d'autrefois, c'est pas un sentiment négatif. C'est la fierté de soi-même, c'est l'estime de soi, on pourrait dire, aujourd'hui. Tandis que l'orgueil, c'est démesuré. C'est la surestime de soi. C'est la surestime de soi. Et qui entraîne le mépris des autres, quoi. Et dans l'or, il n'y a pas cette idée-là. Il n'y a pas une idée de mépris. Il y a simplement le fait que les gens sont fiers d'eux-mêmes et d'ailleurs ça les empêche de commettre des vilenies, par exemple. Hein? Donc pour moi ce serait plutôt la fierté. Alors l'orgueil proprement dit, donc qui est un des sept péchés capitaux, on traduisait en breton par orgueil, un orgueil, hein, qui est l'un des sept péchés capitaux, qui est représenté souvent par le paon. Hein, donc dans les représentations, et on parle plus beaucoup des sept péchés capitaux, hein. Mais donc il y avait l'orgueil, la luxure, voilà, la gourmandise, ouais, la gourmandise, la paresse, hein. Voilà, alors l'orgueil, donc c'est un mot donc qui existe en cornique aussi et en gaélique, hein. Et qui désigne, dans ces langues-là, qui désigne un bâton. Donc, un bâton, un gourdin, quoi. Hein. Donc, il y a une idée de grandeur symbolisée par le bâton, quoi. Hein. Voilà. Donc, en breton, je disais, on dit, pour le péché capital, on dit un orgueil. Hein. Et il y a aussi un autre mot qui est brassonni. Hein. Alors, brassonni, hein, c'est la folie des grandeurs, un peu, quoi. Quelqu'un qui a des prétentions comme ça, hein. Voilà. Alors en breton, le sens de bâton a disparu, hein, et on dit vase, hein, or vase, hein, donc il y a plus ce sens là, quoi, hein. Donc l'or, c'est l'orgueil, la fierté, quoi. Voilà. Alors c'est un mot masculin, le pluriel est rare, hein, c'est rare d'entendre dire l'orou, hein. Ce serait les fiertés, mais ça se dit pas. Alors justement, quand on dit le mot français est utilisé aussi en breton de temps en temps, hein. On dit une fier, justement c'est quelqu'un qui est fier à l'excès, ah oui. Hein, on est sauf fier, hein. Ça veut dire qu'en fait il est méprisant par rapport aux autres gens, quoi. Il dit pas bonjour à tout le monde. Il dit pas bonjour à tout le monde. Et par contre, quand on dit n'est que fier, c'est un compliment. Hein, on dit, il n'est que fier, il la salue de tout d'une dute. Bon, là, c'est un compliment, quoi. Alors, l'or zoénon, il y a de la fierté en moi. Ça, c'est un sentiment assez légitime. Quand on a réussi quelque chose, l'or zoénon, ou l'or waénon. Donc, il y a de la fierté en moi, quoi. Alors, il y a pas mal d'expressions là-dessus. Par exemple, l'origmoine muor revuit vogue des vies de dorne. Hein, petit orgueil, plus de fumée que de feu. Hein. Voilà. C'est mignon, ça. Hein. C'est mignon. L'origmoine muor vogue des vies de dorne. Hein. Voilà. Alors, dans d'autres proverbes, hein, on fait rimer, par exemple, l'or avec corps. C'est facile. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais entendu, quand j'étais petit, j'ai jamais entendu dire Marc-Laure. Hein. Ah, par oui. contre, Marc-Or, oui. Ah, oui. Ici, ça, c'est marrant. Ouais, ça, c'est les Rostrenois, Marc-Or. Marc-Or, oui. Ça se dit même en français. Hein, c'est un Marc-Or. Hein. Ouais. Un vaniteux, un prétentieux, voilà. Voilà. Alors, il y a un verbe aussi, Laurent, qui veut dire s'enorgueillir, se vanter. Alors, il y a d'autres verbes hein, qui expriment la même chose, comme poufal. Ici, on dit poufal. Hein. Poufal se vanter, quoi. Hein. Et donc, celui qui se vante, un poufeur. Hein. Poufeur, oui, c'est pas un compliment. Dans d'autres régions, il y a fougueal aussi. Hein. Fougueal, hein, qui est se vanter aussi. Hein. Voilà. C'est aussi utilisé, Laurent, pour dire flatter quelqu'un. Ici, on dit plutôt telmel, hein, jeter du miel. Telmel, grande glogue rose avec la louche, hein, oui, voilà, telmel quoi. Alors d'autres mots, lorus, hein, orgueilleux. Il y a lorus ou lorg, hein, des adjectifs hein, qui veulent dire orgueilleux. Au loren, c'est une femme vaniteuse aussi. Hein, c'est pas un compliment là. Dilor, c'est quelqu'un d'effacé, d'humble. De modeste, c'est plutôt une qualité. Voilà, dit Laure. Nemlor, c'est l'amour propre. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la fierté, quoi. Et Undilor aussi, Dilor, c'est un adjectif, mais c'est aussi un nom commun. Undilor, c'est l'humilité, la modestie. Hein. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce mot, Laure. On en reste là. On passe à Brézon-Nectan-Matamb. Brézon-Nectan-Matamb, on reste sur les rimes, Henri. Oui. Les rimes en breton et le breton qui aime rimer. Oui, voilà. Alors, je vais parler un peu des rimes en ad, des mots qui se finissent par ad, hein, qui sont souvent d'ailleurs des mots qui désignent le contenu de quelque chose. Hein, or, vernad, par exemple, hein, le contenu d'un verre. Or, voutayad, hein, voilà. Et bien sûr, il y a mad aussi, hein. Qui est très très employé et qu'on trouve très souvent dans les rimes. Par exemple, dans la chanson des chevaux, là, ton Ariézec de Pierre Le Tertre, là, qui était un poète de l'Henri Vanet, il y a pas mal de temps de ça déjà. Abrément bavoir, you evro, bâtier rien de paix, babulat. Ahoise bavoir, plégidi, avec ave, tiezegmat. On fait rimer bulat avec tiezegmat. Hein. Ça marche avec trémargat aussi. Ça marche aussi avec trémargat, oui. Voilà. Il y en a un, que, un petit proverbe aussi que j'ai souvent entendu dit par ma grand-mère. Evidober ménagevat, ménagevat, kosorer vam vilentat. Pour faire bon ménage, la femme doit être plus vieille que l'homme, que son mari, quoi. Elle disait ça parce qu'elle-même était dans ce cas-là, quoi. Hein. Je ne sais pas si c'est généralisable. Voilà, donc des mots, quoi, qui terminent par par ad. Hein. Donc, par exemple, dans Bagat de CRS7, CRS7 kalonung, le scrouder bagat, barak de zoner bignou, ye grand de vombart. Hein. C'était une chanson anonyme des années 70, hein. Le Bagat des CRS. Donc là, il fait rimer le Bagat avec bombarde. C'est pas bête. Sauf que là, il torture un petit peu la réalité parce qu'il dit Urbino Heugard bombarde. C'est plutôt l'inverse, mais bon, il faut bien, pour avoir la rime, tordre parfois la phrase. Voilà. Dans Cloire et Guéméné aussi, hein, Wanke Bepel Batimezan, moi des Boschen Mer Honorvat. Wanke Bepel Batimezan, joli coucou. Moi des Boschen Mer Honorvat, joli, joli coucou. Et je n'ai pas été longtemps chez mon père que j'avais débauché la fille d'un bourgeois, disons, quoi. Hein. Voilà. C'est une chanson, c'est qu'on chantait dans tous les mariages. Hein. C'est un peu un tube du centre-Bretagne, quoi. Voilà. Et puis dans le Brogoz Mezadou, hein, Dispond, Kreiser, Brezel, on t'a douqué de ma, escu, as, eviti, au guat. Là, on fait rimer mad avec guat. Voilà. Et on pourrait trouver des tas de... Guat le sang? Guat le sang, oui. Voilà. Bah oui, il faut verser son sang pour le pays, hein, c'est bien connu. C'est ironique. Ouais, ouais, c'est... Mais le brogoz est très doux, hein. Il n'y a pas beaucoup de violence là-dedans, hein. C'est pas comme d'autres hymnes nationaux que je ne citerai pas. Bon. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de certaines rimes en az. Hein. Voilà. AZ, hein, ou AS, hein, selon les écritures, hein, mais ça donne le son AS ou AS. Hein. Par exemple, dans une chanson toujours Cloire et Guéméné, Cloire et Guéméné était chantée sur tous les tons, hein, et puis ça peut servir à danser aussi. Pénéré el baselas, mié waren nente huaylas. Quand les autres allaient en classe, moi j'allais sur la route, hein, pour faire l'imbécile, en fait, hein, huaylas. Hein. Voilà. Alors très souvent, on trouve des rimes comme ça dans les cantiques aussi, en particulier pour rimer avec groise, hein, la croix. Donc, hein. Par exemple, Jésus zo homme roise, couls agué chaloir er groise. Hein. Jésus est encore ici, comme autrefois sur la croix. Hein. Alors des noms de lieux aussi, hein, comme Jean Nicolas, hein, qui se termine par as. Notre maire Saint-Nicolas, avait bémenons au Royelas. Le maire de Saint-Nicolas est tous les soirs parti en piste. C'était il y a longtemps, hein. C'était plus le cas. Voilà. Et puis, bon, voilà, un petit peu des rimes en AZ, hein. On peut en trouver beaucoup. Alors, il y a des rimes qu'on trouve pas très souvent. Par exemple, les rimes en aude, hein, comme Martolode. Hein. Par exemple, dans la chanson du café, tiens, t'en laboure, Martolode, au vais, je vais divune, et mon deux y venit l'eau, deux un dour du car. Le premier travail du matelot, hein, Martolode, hein, une fois qu'il est réveillé, c'est de défendre sa part. L'aude, c'est la part, hein. Voilà, de Zendour du car, de l'eau sacrée, c'est-à-dire du café, en fait, quoi. Voilà, donc des... Alors, dans... Oui, on trouve avec Marthelaude aussi, Blaude, des fois aussi, hein, qui désigne la mer molle, hein, voilà, qui change tout le temps. Voilà, on trouve quelques rimes en haute comme ça. Alors, des rimes en housse aussi, hein, comme plousse, par exemple. Hein. Plousse. Oui, mais celle-là, il y a une polka. Un DL Baselberne plousse. Ah, bah vas-y, tiens. Bah. Un DL Baselberne plousse, un DL Talleberne plousse, un DL Talleberne plousse, Mijon, j'écoute que d'hydrousse. Oui. Plousse, hein, et trousse, hein, voilà, une rime en housse. Hein. Il y a aussi, dans la Vatesienne, prenne de vos vior, azave d'un petit plus. Donc, je ne me souviens plus de la rime qui va avec, d'ailleurs. Enfin, c'est, du honte à l'endroit, du zet à leur vingtaine, un drone indique dit drousse. Plus et trousse, encore pareil, hein, voilà. Alors, bon, des rimes en housse comme ça. Voilà. Alors, des rimes en on, par exemple. Hein. On, par exemple, comme calon, et comme mignon aussi, ça va ensemble d'ailleurs. Hein. Calon le cœur et mignon l'ami. Hein. Un neuse ni qu'une nezo, big fame halon, et vel mouez en durzunel, la la la la la la. La la la la la la, oh Welandi mignon. Ça c'est la tourterelle, hein, Durzunel, hein, une chanson d'Augustin Conque, hein, on en a déjà parlé de ça, qui se faisait appeler Peau de Tréhouré, et qui se chante et qui se danse, hein, selon les cas. Hein, on peut chanter en guerres ou on peut le chanter en gavotte. Hein, voilà. Alors, des rimes en art, art. Il y en a beaucoup, hein, finalement, de rimes, hein, possibles. En art, par exemple, plat. Un plat, on le trouve très souvent, hein, une femme. Hein. C'est une fille ou une femme, hein, ici, on l'emploie pour les deux. Pewella keder vroster plat, digweze dei veldor zar. Ça, c'est dans Trigéménaire de Spontivy. Hein, quand on a mis la robe à la femme, ça lui allait comme un sac. Hein, voilà. Aussi dans Cloire Guéméné, de ce collège où vit Boud Manard, me halon bower huler plar. J'étais à l'école pour devenir moine, mais mon cœur voulait une femme. Voilà. Alors, des rimes en L, là il y a beaucoup, hein, de possibilités. Par exemple, Castel, hein, Castel, Mervel, Zevel, Zantel, Fidel, hein, de Gamarad Fidel, Havel, hein, Castel, Mevel, hein, et puis Breizizel. Breizizel, bon, c'est très très employé, hein, pour désigner la Bretagne. D'ailleurs, par exemple, beaucoup de chansons commencent par Tudio Wang Breizizel, hein, Tudio Wang Breizizel, hein, bon, pour eux, on leur demande de s'approcher, hein. Et puis des noms de pays aussi, de communes. Carnuel, hein, Calanel, voilà. Alors, par exemple, un exemple de rime en L, dans ton arafé. Heur van pegle vivugel kez, o elan ni gavel. Grand au bandar café à l'aise, heur a désentevel. Heur van pegle vivugel kez, hein, une mère quand elle entend son petit enfant. Au Welan Nigavel qui pleure dans son berceau, Gandor Banar café à l'aise, avec un peu de café au lait, radésantével, elle le fait taire, quoi. Mais oui, mais ça, c'est plus trop aux normes, ça. Non, là, ça, c'est hors norme. C'est pas validé par la maison de l'enfance, ça. Voilà. Le café au lait pour les nourrissons, ça. Et dans la chanson que chantait toujours le conteur Pierre de Bulat, avant de commencer ses interventions, Père en un drô de vrai zizel, quand bepsor trou mira me mail. Quand je fais le tour de la Basse-Bretagne, mais c'est la Bretagne en général, hein, avec toutes sortes de choses, je fais mon miel. Quand bepsor trou mira me mail. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Petra Zonevervo, Eri, troisième et dernière partie de l'émission Hentar Brezhonek. Ben, kalz e draou evel juz boer vej di ouzan. Krogom de diantan evel kiz a kustum, gant de la bourdouar hag ur vu e war ar mez. Erion bremañ de vad ben 10-40 amzer. Miz here, miz an nad. D'ur per a viz here, evel gwell fanch be pla, hein, hag evel aret, hadet o kuiniz da wel vanch, hag po plouz l'un ur hanch. Galak velar an andra an tamm ma meus mot, sem tomblé à la Saint-François, tu auras du blé de bon poids. Ba mis here, eman, houls de zer yar maïs. Diwar ar maïs, neus ke roas la variou dis, troio lavour, peut dur maïs ne ke gwal goz bavro. Ba blavez you hanter kan, oa eru ar maïs bavro, ba fin ar blavez you hanter kan, A calze du de vige clève da gelar en bad fait que c'est igual bel. La vige ose bado que dans zizo on dra de nek de zevro. Mais de nek bekon dis, pudion benefin or maïs, zo de te vous de rien tant de bouit, vi de zout pas d'orguan. Ur marément en akema d'un trog en un labour douar. Pudion zo cudé, nous couls vel l'aise, vel vi de mort, a vi de long de kitch. Bob Sartrou, hag e chomor a izel ar prijou, re izel evit peyan ur hargou. A neus ket diskoun bet velet ba marme den an kaden ze. Wel evo pe sa mo de evo kon. Tost gant pe ve komz de deus labour doua, ze zo ba departement de Halvados, zo bet digor neus ket gwal belzo, ur super mahat, l'er ve kavet de trou de zevro, pe dur dek dregan, dek a... Perugen dregan deus trou vekav denan, zo deus daou departement, departement de Neur a departement de Halvados. Hag un draze zo le liammet gant ur ouedat bienvenu a la ferme. Hag az vel meus la retar vekav de trou deus evro, n'en ket bio tout, met greg an produer yon deus evro. Hit, legumaj, lez, tout un trou, ta deus tost. Hag e vrejaj, an tamm mat deus e vrejaj. Hag bon, zizo un dravat, hag tout un dud zo kontant koul ze broduerien, evel ur pratikou. Dan mon tamm war dachen un endro, ba fin e blad au vil pemz hag evo ba Paris, o nem vo de vid komz deus ur skeul amzer, pe ar lima ma peswan. Hag digor et vo un nem vo ze, den de diouz an e mis du. Kop unan war dugen vo gret deus un draze, Ba blad a will know, oa bet dija o nem vo de dis, ba Copenhague, med o ruita den oa bet. El oa dreuz en trau dustu. Hag bon ne ke zur vej me vo, gwellar en trau. President en nem vo tse, notre Laurent Fabius, pe Laurence Fabius, ma peswan, neus an noir a yef en trau e dreuz. Ka zur war bon vo troar den ber en tren dao benefin, gwellet vo. Dans mon temps, moi, d'ach en ur politique eres. Dès qu'a triugen vlasso, oa gred, oa l'air brezel bed, oa bet zave de emvo de stadou, un vanyeu de stadou, un onu un galak, hag un o un zoznek. Bon, pe dur tout un trou, ve, ba, sans el, pe vein lak un zoznek. Ur pal, oa mont war hen d'ar peur, gant tout ur poblou war ar bed. Bon, kalz la bon zo begret gant un onu, hein, mais neus ket gal a harz vez fe bet un dun non distruj. A brezel vez der mod ont tu menek war ur bet vi beup sort da begou. Hag maradour yon armo, gav der mod ur marad ledan, hein, vid un armo hag ar zo kalz er an de rastelad. Amon ma brovranz war d'ar chen ur politikerez vez kom ze kalz ze vota degou, au ton de grande rente vroyo. Vraiment, ne chôme que, n'est que, mais de trise grande vroyo et Provence, breis bon, un trou n'est que changet, puis dur, et chôme breis grande père département, Penarbé, Dodo en Arvor, Morbihan, Aguil Abguilen. Ag bronan, les au chôme d'Hormez, hein, et veloir tout d'un dut. Bon, l'ennemeuse, war, ce que gual bezo, meuse l'enne d'war, ar gazette en ouest éclair, Ouest éclairé. Ouest éclairé. On dra zoé zuzoar. Goul neus mar gervur pod pen listen un tuguen, ma peswan, ne zgoule gant tout de rezo war a listen, zinan et vilar ne gne du gant breiz gant pen département. A zez o zouez u zoar, pe war a listen se zo kalz jacobinet, hag vo sterte zinan an dra e velze, a vid breiz had un vanyet, gweldo pe sa mot vo kont. Dans mon temps, vraiment, on a d'achen d'ar zévenadur. Végen amz ar vekle et komz deus Alan Stivel. Zo spen hantar kan blasso war le renou o kanan, o kaz war og il abo, un kanan a zon, un peu dure, et kanar a zon. Ne ke gwal yaou angor potin, peu dure, daoula eko sor vin an agansi, ne ke gwal yaou an kin, petan mon om ding yaou angom daou, med bon, derer a mon gant gant hent. Hag an eus zavet ur bladen, a zo bladen neve, a zo hanvet amzer. Bon, e ya guir e tremen ran amzer. Pudur an o komz deus pladen ou kleven meuz oa begred o nan ive, gant oela barbedet, a zo han aven ma de vroman. Klevet peus... Cerizier. Cerizier, ya. Ya. Meus ket kled oaz med, bon, dondarei de gleze. Bagwen gamm, pur dur om chom war ze evenadur, grog o prest igel ar bour yo war en toul bar, pe ur prison ma peswan, ne ke vize eritud, prisonnier di, med or l'air vid ur ze evenadur, bon da skoer zon adegou, diskoez adegou. A ba plouek ne ke de prison vo razavet, med tiampen vo un tigar, un trigar brelidi plouek, hag zo l'air brav evel just, hag yon tamm de se glad, peudur yon garv, un ti garv el vekav ed l'air el bakalak ba rostren pe bako arek. Bon, matrezen e aipointin pointin e chui, peudur e hiroar en trou, hag benevegel vo kont kal se trou el roaz. Se tu la ran dar tien ar vegel, chilo er en erkabe, dar tien medel morgan. Keno eri.